Donc, on vit des expériences différentes. Alors, on va vivre, deux personnes vivent la même expérience, mais si les deux la comptent, ils vont compter des expériences qui sont parallèles, mais qui sont un peu différentes. Bon, ont-ils vécu la même expérience? Il y en a qui vont voir un film, trouvent ça génial, d'autres trouvent ça royalement ennuyant, et originellement, ils aiment les mêmes choses. Ont-ils vu le même film? Ah, ils vont vous conter l'histoire. Ils ont vu le même film. Mais ont-ils vu le même film? Et sans arrêt, ça fait en sorte que les gens s'obstinent par rapport à ce qu'ils disent. Comme par exemple, ici, la couleur, ici, c'est rose. Mais non, c'est pas rose, c'est mauve. Ben, c'est rose. Mais non, c'est pas rose, c'est comme pourpre. Ben, écoute, c'est rose. Tu connais pas tes couleurs. Avez-vous mes yeux? Voyez-vous ce que je vois? Il y a juste toi qui peux. Ben oui, c'est ça. Hey, c'est-tu beau? Ben, c'est pas beau, c'est laid. Voyons-nous la même chose? Mais l'humain va dire, ben voyons, c'est sûr. Mais l'expérience humaine prouve que non. Et que parce qu'on est basé sur l'idée que oui, ben ça nous en fait-tu des raisons pour s'obstiner, s'engueuler, puis avoir l'impression qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela, puis il y en a plein. Bon. À un moment donné, moi, je me suis dit, ben, j'aimerais ça rencontrer les forces du mal pour pouvoir leur tapocher le nez un peu. Bon. J'avais 16 ans. Alors, pour la première expérience. Y avait-tu une raison pourquoi tu voulais les rencontrer? Probablement parce que je suis un peu moins, mais j'étais un antique guerrier, toujours un gars qui, lorsqu'il y avait quelqu'un de pas correct à tabasser, il y allait. Alors, j'avais encore ces mémoires réincarnationnelles-là. J'avais 16 ans, bon, mais ce que je voulais surtout, c'est d'avoir la paix autour de moi. Donc, je me suis dit, si je rencontre les forces du mal, Satan entre autres, puis j'y explique clairement là, qu'il peut sataniser où ce qu'il veut, là, mais pas dans mon entourage, ça pourrait être correct. Alors, j'ai choisi autour du 25 de décembre, parce que égrégorement parlant, énergétiquement parlant, c'était un bon moment. La religion est proche du sol. Et puis, je vais dans la forêt. Une forêt, bon, il n'y a pas de tour, rien. C'est 15-20 minutes de marche dans la neige, en raquette. On arrive à un petit chalet. Il y en a qui appellent ça un shack, d'autres une dompe, d'autres, bon, chacun a son... c'est bon, hein? Et puis, il y avait une truie, je pense, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un cochon, mais pour d'autres, c'est une espèce de petit poids à la bois. Ah, parce que, tu sais, j'ouvre la truie, mais... Alors, j'allume le feu. Et puis, je gelais, parce que c'est très froid. Et j'avais amené 3 personnes avec moi. Une personne de 40 quelques années, une personne de à peu près le même âge que moi, puis une personne à peu près dans 20 ans. Et moi, ce que je voulais, c'est que je voulais aller tenter une expérience, et je voulais qu'il y ait des témoins. Pas parce que je voulais le faire devant des témoins, c'est parce que je voulais qu'eux autres puissent me dire ce qu'ils ont vu, de façon à ce que je puisse être plus certain que je n'aurais pas imaginé, rêvé ou fabulé tout ça. Mm-hmm. S'il arrivait de quoi? Bon. Alors finalement, bon, la nuit tombe, on l'entend. Et puis, les 3 personnes commencent à avoir un peu peur, parce que je leur avais dit que je voulais rencontrer Satan, etc. Fait que demain, ça tend l'atmosphère. C'était... Bon. Et puis, vers les 11h, je ne sais pas trop, bon. Alors, je décide de sortir, je vais faire un tour dehors, il y avait de la neige, c'était bon, c'était bien. C'était couvert, c'était noir. Et puis, il y avait beaucoup d'étoiles, mais en haut des nuages. On est bon. Et puis, en dessous, c'était noir. Et puis là, je trouve que c'est bien, l'atmosphère est intéressante, c'est yin, c'est... Propice à rencontrer... Propice à faire de la magie noire. Okay. Alors, j'ai 16 ans, puis là, je suis dans le bois, puis là, je commence à crier, là, je commence à appeler Satan. Et puis là, il me semble, il fait plus noir. Il s'appelle comment, lui, Satan, ou Satan? Alors là, il fait plus noir. Fait que je me dis, peut-être qu'il faudrait chercher quelqu'un, tu sais, au corps. Avec une lampe de poche, le moins noir. Non, pas de lampe de poche, je voulais pas quand même, parce que... Alors, je rentre dans le camp, puis je demande qui veut venir, tu sais, c'est le temps, c'est... Alors, il y en a juste un qui veut venir, c'est une espèce de clown. Bon. Alors, les autres étaient trop... T'es occupé à tenir le poing. Non, il me disait qu'il faisait trop froid. Ah bon. Alors, on sort tous les deux, puis on s'en va un peu plus loin, puis là, je commence à gueuler, puis à crier, puis je me rends compte que c'est impeccable, qu'il fait vraiment noir, que c'est vraiment épeurant, que c'est... Donc, l'IA, je me dis, si les Satan existe. En tout cas, si c'est pas Satan, il y a quelqu'un qui aime bien ça, ça passer pour lui. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un effet sur ma perception ou un effet matériel. Ou l'autre. Mais une chose certaine, c'est que ma perception, ça fait partie de ma vie. C'est ça, donc il y a un effet bon, quand même. Alors nécessairement, il y a un effet. Alors la personne, L'autre personne, est-ce qu'elle voyait ça aussi? Ah oh, oui, à chaque fois, moi je demandais, puis qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ben là, il fait noir en maudit. Bon, parfait, correct, on voit même affaire. On est 2 cinglés, c'est bon. Non, mais cingler tout seul, c'est tu fais guérir, mais cingler collectivement, on est normal. Alors, Alors, j'appelle Satan, etc. Et puis, à un moment donné, ben, ça devient assez pénible. Et puis, à un moment donné, je décide d'appeler Dieu à la place. Histoire de voir. Alors, je commence à l'appeler, puis je parle. Là, je vous passe des détails, mais j'ai fait une bonne... Il n'était pas occupé à la messe de minuit. Il avait à peu près... Pas encore. T'es 11h. Okay. Et puis, subitement, ben, le ciel se dégage. Il fait vraiment plus clair. On voit les arbres, on voit tout au complet. Mais quand je parle subitement, disons qu'à peu près en 5 à 10 secondes, le climat change au complet. Alors, mon ami me confirme qu'effectivement, ça... C'est... Donc, ça se peut pas que tout d'un coup, il y a eu du vent, puis les nuages se sont dégagés. Non, mais dans le sens, en 5 ou 10 secondes, c'est... Ça se peut. Ouais. Alors, je me dis que ça se peut, donc je rappelle Satan. Et ça redevient noir. Chou! En tout cas, les gars de la météo doivent avoir de la misère en haut. Mais c'était bon. Et puis là, subitement, je me rends compte qu'il y a quelque chose de très, très, très noir et de très, très, très puissant qui m'attend plus loin du sentier. Il y a une source, puis un marécage. Mais ça, c'est la nuit, c'est l'hiver. Et je me dis que ben, c'est ce qui est clair pour moi, c'est que je devrais descendre jusque-là, mais seul, pour aller l'affronter. Alors, je commence à avancer un peu. Là, mon ami, il me dit de ne pas y aller. Lui, ce qu'il perçoit là, c'est un dragon, c'est un monstre, c'est n'importe quoi, mais en tout cas, c'est vas-y pas. Mais il ne voulait pas que j'y aille parce qu'il ne voulait pas que je laisse tout seul. T'sais. Ah bon? T'as coup que ça. Non, donc, non, ça serait déplacé vers lui. Alors, je décide de rester là, puis là, je lui demande de me parler. Et je pose des questions, puis je veux qu'il me réponde. Et je me rends compte qu'il ne répond pas. Alors, je lui dis, écoute, si tu veux, prends mon corps pour me répondre. Tu vas prendre ma voix. Puis en même temps, je me rends compte que c'est la dernière affaire à faire. Ah oui, c'est ça, hein? Alors, je me dis, hey, il est rusé en tabarnouche. Mais en même temps, je décode que s'il est rusé, c'est qu'il est déjà dans moi. Vu qu'il est capable de me parler. Mm-hmm. Pour me suggérer ce que je devrais faire. Mm-hmm. Et... On passe quelque temps comme ça à parler, à discuter, c'est-à-dire que moi je parle à haute voix dans la forêt, ça bouge, ça brasse, on entend des arbres tomber, il se passe, c'est vraiment intéressant. Ça a l'air fou. Lui, ben, en tout cas, ça là, ça te répond, comment tu sens... Ça ne répondait pas là, quand je commence à l'engueuler, je le traite de pissou, de tout ce que tu voudras. À un moment donné, on entend un arbre qui tombe dans le bois. Il y en a des arbres qui tombent dans le bois, mais en tout cas, ça donne que c'est bien, en tout cas, le scénario était parfait. C'est dans le genre, va donc aux toilettes, dans le bois, bon... Alors là, tu continues à gueuler, à un moment donné, puis t'entends dans la montagne, ça craque, puis bon, tu sais, c'est intéressant. Et finalement, ben, je vire ça de l'autre côté, puis je commence plutôt à parler des forces du bien. Et puis, tout redevient, c'est impeccable. Après ça, ben là, je redonne qu'il se mette à neiger. Puis, tant qu'à y aller, tu t'essayes, tu sais pas. Je veux qu'il neige. Il se met à neiger un petit peu. Fait que là, t'as peur un peu, tu sais, là. T'sais, je veux que ça arrête. Ça arrête. Ah, t'as peur à maudit. Parce que c'est pas supposé fonctionner. Mm-hmm. C'est supposé appartenir à des gens qui sont morts, à des élites du passé qui sont morts. C'est pas supposé fonctionner. Okay, pourquoi ça fonctionnait? Probablement parce que là, moi, j'étais suffisamment naïf à 16 ans pour ne pas être barré par l'idée que moi, je ne peux pas faire ça. Et vu que j'avais été parlé carrément à des mécaniques, donc j'ai dû peser sur des bons leviers, par ma parole, par mon état psycho-émotif, etc., ben, ça fonctionnait bien. Ou bien j'étais vraiment synchronisé avec une météo totalement débile. Alors, après un grand bout de temps, eh bien, on revient dans le chalet. Et puis, on finit cela, je passe les détails. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte, un, que si on ordonne aux forces du mal, elles sont là, mais que l'humain doit avoir une solidité psychologique telle qu'il ne sera pas envahi émotivement par les forces du mal. Sinon, il se fait ramasser immédiatement. Mais je me suis rendu surtout compte qu'on ordonne aussi aux forces du bien et qu'elles écoutent. Et là, on discute, puis c'est drôle parce que normalement, on prie, on demande. Mm-hmm. Mais là, on fouillait, on jasait, puis on revient avec un Nazaréen qui lui disait le Amen qui veut dire ainsi soit-il, qui est un ordre, qu'il en soit ainsi, c'est ma traduction. Mais ainsi soit-il, c'est pas j'espère que ça va. Bon. Et si on regarde après ça, le Notre Père du Nazaréen, Notre Père, bon, qui est aux cieux, que ton règne arrive, mais etc. Mais on se rend compte, donne-nous notre pain, que c'est pas. C'est tous des ordres. Mm-hmm. Et là, ce qui arrive, c'est intéressant parce que théologiquement, bon, qu'on soit catholique ou pas, le Nazaréen a quand même passé sur la planète, pour créer un mouvement historique de cette envergure-là. Il y a au moins un gars qui est passé quelque part. Et ce qui est bien, en plus, surtout à l'époque, les gens ne pouvaient pas inventer une philosophie comme ça. C'était pas du tout la teneur psycho-émotive des gens de l'époque. Non. Les gens étaient plus en guerre c'est avec ça, les, puis lui, bon, il amenait de l'amour, les grandes traditions. Non, l'amour, ça, c'est... Je pense que même le mot était inventé à cette époque-là, en tout cas. Mais ce n'était pas la philosophie du monde, donc il y avait une nouveauté là. C'est intéressant. Mais lui, il dit, je vais vous monter à prier, il leur donne le Notre Père. Mais le Notre Père, est-ce que c'est ça qu'on doit répéter? Ben non, là-dedans, c'est la façon dont tu devrais leur donner. Mm-hmm. Alors, on discutait de tout ça au complet. Et puis, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, si je fais un retour à travers les mécaniques, est-ce que en ordonnant, j'ai réellement une mécanique levier? À un moment donné, j'ai donné un séminaire à ceux qui avaient fait le premier séminaire, donc le séminaire intensif que je donne. J'avais donné à ces gens-là un séminaire sur la colère mentale. Mm-hmm. L'idée était effectivement d'arriver à créer dans l'astral, c'est-à-dire dans un grand contexte psychologique plus collectif, un espace. Autrement dit, un peu comme lorsque ceux qui ont des enfants, les enfants sont achalants, ils dérangent, sont énervés. Là, vous lâchez un gros cri, là, vous gueulez, là, puis là, vous cassez une assiette ou deux, là, pendez une fourchette dans la table. Puis là, les enfants, vous avez la paix pour une heure ou deux. Ça dépend des enfants, tu sais. Vous avez la paix. Puis lentement, ça va se réessayer, puis ça revient lentement, puis après deux, trois jours, on est revenu à la même affaire. Et lui, non, mais ça, c'est une colère qui fait de l'espace. La colère mentale, c'est une colère qui est basée sur la même mécanique. Dans l'astral, donc dans la psychologie collective, c'est d'être réellement en colère, mais pas émotivement, mais mentalement. T'sais, j'en ai ras-le-bol, je suis écœuré, il y a une grande colère mentale. Donc, il y a des lois à suivre, c'est-à-dire pour comprendre la mécanique. Comme quand vous voulez planter du blé, bien, vous arrosez pas, vous récoltez, puis vous semez. Il y a une mécanique, et ça, il y a une procédure à suivre. C'est préférable de semer avant, d'arroser après, d'attendre que ça pousse, puis de récolter. Bon, c'est la même chose pour la colère mentale. Il y a une procédure qui fait que ça, c'est plus efficace. Bon, il y a un état humain et il y a une procédure à suivre. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que, donc, si on parle d'être bien, la mécanique qui oblige l'humain à s'exprimer. Par exemple, quand la climatisation arrête, certains ont chaud. D'autres sont bien. Quand la climatisation repart, certains ont froid. D'autres sont bien. Puis, il y en a qui sont... C'est trop chaud, trop froid, trop chaud, trop froid. Ils ne sont jamais bien. C'est une mécanique. Mais juste ça, cette condition de vie, c'est une insulte à notre intelligence. C'est sûr qu'un humain peut dire, oui, mais écoute, ben non, c'est normal, c'est à cause de... C'est comme à une plus petite échelle étant en guerre. Même chose. C'est normal qu'il y ait de la guerre. C'est normal qu'il y ait des disputes de couple de temps en temps. Ça met de la vie dans le couple. Et ça prouve, ça fait partie de l'expression. Quand ça va bien, c'est ennuyant à mourir. Une bonne chicane de temps en temps, ça fait du bonus. Je trouve ça totalement stupide, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'humain décode un peu plus la mécanique qu'on peut appeler les forces du mal, il aura la capacité de la contrôler. Mais la contrôler veut dire d'y échapper. Maintenant, c'est évident que l'humain, que la procédure échappatoire à cette mécanique des forces du mal, c'est une procédure qui est une longue route. C'est-à-dire que vous pouvez, le travail commence évidemment par l'intérieur de nous-mêmes. Je peux, moi, commencer, je découvre des mécaniques de forces du mal. Un exemple, tout à l'heure, trois fois en parlant, tu as appliqué des mécaniques assujetties aux forces du mal. Bon, j'aurais pu l'interrompre, évidemment, mais ça aurait coupé son discours un peu. Les mécaniques des forces du mal sont des mécaniques, et pour ça, il faut comprendre, je vais barbouiller un peu, mais il faut désémotiver la perception que nous avons de la vie, et il faut aussi être capable de se créer, à l'intérieur de sa structure d'apprentissage, une nouvelle place, un nouveau tiroir, une nouvelle boîte pour mettre des informations neuves. Parce que sinon, on va toujours colorer les informations neuves par nos vieilles informations, ce que l'humain fait normalement. Par exemple, si je dis, il y a une force qui contrôle la neige, eh bien, les musulmans vont dire, oui, c'est normal, c'est Allah. Les scientifiques vont dire, oui, effectivement, ce sont les conditions climatiques. Les chrétiens vont dire, oui, c'est Dieu. Et peut-être que je ne veux pas dire rien de ça. Je dis, il y a une force qui s'appelle autre chose, etc. Mais chaque personne va prendre ce que j'amène puis va l'assujettir à l'expérience, l'information qu'il a déjà. Et ça, c'est une problématique parce que ça fait en sorte que les gens vont toujours colorer l'information neuve. Et au fur et à mesure de votre vie, vous apprenez des nouvelles choses. L'enfant va créer des nouveaux concepts, des nouvelles théories facilement. Il s'ouvre au monde. Alors que rendu à un certain âge, on a de la difficulté parce que tout ce qui est neuf, on veut le placer dans ce qu'on a déjà. C'est rassurant. Par contre, ça avance pas loin. Quand je parle de nouveau chemin, il faut qu'on puisse se dire, bon, il y a le mal. Le mal, je ne l'émotivise pas, donc ce n'est pas une polarité. Le mal, c'est les choses imbéciles. Même chose pour moi. La stupidité. Même chose pour moi. Bon, l'ignorance, c'est du mal. Mais si tu ignores que tu fais mal à quelqu'un en faisant ça, tu n'es pas stupide, tu n'es pas dans le mal. L'ignorance, c'est une affaire qu'il faut éliminer. Donc, on ira par l'éducation, par l'instruction, etc. La formation. L'individu qui, par exemple, se rend compte que pour être bien, il y a des mécaniques, on va revenir sur ces mécaniques-là, mais au départ, ça serait de couper le mal. Autrement dit, pour avoir chaud, ôte le foie. Ça va déjà aider. C'est sûr que le foie, ça ne peut pas l'ôter autrement qu'en mettant du chaud. C'est, bon, mécanique thermique. Bon. L'individu qui commence par lui, c'est important. La première chose que l'humain doit faire pour contrôler les forces du mal, donc pour arriver à être bien, c'est de voir clairement que le monde dans lequel il vit, ce que j'appelle un chronotope, c'est-à-dire que c'est un endroit spatio-temporel particulier, puis à travers, certains ateliers, à travers d'autres conférences, j'en reparlerai un peu. Parce que la solution de l'être humain, c'est pas de changer le monde, c'est pas de se changer lui, c'est pas de mourir, c'est pas qu'un extraterrestre vienne le chercher, mais c'est de changer de monde. Et l'être humain change de monde régulièrement, sauf qu'il change de monde dans le même chronotope, en vertu des mêmes lois. En tout cas, on pourra en parler à un moment donné. Mais, minimum, on va appeler ça ici un chronotope, c'est un terme qui est nouveau, bon, qui est épuré d'émotivité, chronos, temps, top, lieu. Comme topographie, c'est un dessin d'un lieu. Alors, c'est un lieu temporel nécessairement, donc c'est pas ça temporel, un lieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous observez vos vies, tout le monde, vous allez vous rendre compte que vous êtes assujetti à deux mécaniques particulières, celle de souffrir et celle de mourir. C'est-à-dire, vous anéantir, vous autodétruire. Vous savez qu'il y a un produit particulier qu'on retrouve dans la nourriture souvent, c'est le glutamate monosodique. Ça, c'est très intéressant scientifiquement, c'est que ça fait éclater les neurones et ça fait éclater d'autres cellules au niveau du pancréas, qui ça peut engendrer aussi le diabète. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en met encore plein dans les aliments. Mais c'est normal. C'est normal qu'on en mette plein parce que ça détruit l'humain. C'est normal. J'en ai même vu en petite bouteille, là. Ben, c'est de l'accent. Quand on demandait de l'accent, là, c'en était. Mais ce que vous devez comprendre, c'est posez-vous la question. Quand vous regardez la télévision, quand vous lisez les journaux, quand vous voyez vos employés, vos patrons, vos voisins, ou même vous-même, vous vous dites, voyons donc, mais peux-tu me dire, toi, c'est quoi l'intelligence de faire une affaire comme ça? Mais non. Ouais. Est-ce que l'humain recherche la souffrance? Si vous dites oui, allez comprendre tout de suite pourquoi il se passe ça sur la planète. Mais l'humain recherche à s'autodétruire. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi il se passe ça sur la planète. Okay? Il y a des grosses forces du mal tentaculaires qui mettent du glutamate dans tout pour que tu en manges. Mais si ta nature est une nature limitatrice, donc il faudra que tu anéantisses ton corps à un moment donné pour laisser la place aux jeunes, ce que tu voudras, même la philosophie tant que tu voudras, ça va expliquer plein de choses. Au Rwanda, là, c'est quoi l'intelligence? C'est quoi? Comment Dieu? Comment les forces du bien s'expriment là-dedans? Non, c'est normal. C'est quand on comprend ces choses-là ici. Quand on regarde la grève des joueurs de baseball, 1 million par année, ils font la grève. Mais c'est normal! Il faut bien que ça me le de temps en temps. Bon. Non, mais c'est pas une farce. Si je comprends ces deux choses-là ici, je vais comprendre que je dois travailler sur des mécaniques qui m'obligent à m'exprimer d'une façon, plutôt que de travailler sur moi-même, ma psychologie. Il y a une partie des mécaniques, si on n'est pas des mécaniques psychologiques, on travaillera là-dessus. Mais ça va être bien différent. Parce qu'au lieu de travailler, par exemple, sur la laideur qui t'habite, il va travailler sur les mécaniques qui l'obligent à s'exprimer comme ça. Imaginons quelqu'un qui a, par exemple, plus de cordes vocales ou qui a eu une opération, une trachéotomie, etc., puis qui se ramasse avec un appareil au niveau du larynx. Pour parler, la personne appuie sur un bouton. Elle parle comme ça. Ben, c'est ça. Mais elle, on va dire, crime, franchement, pas de bonne humeur aujourd'hui. Non, je suis totalement heureux. Ouais, c'est bien possible. Donnez-lui un appareil pour qu'elle parle différemment. Vous allez voir qu'elle aura peut-être une voix douce, une voix qui va être extrêmement plaisante, une voix qui va vous relaxer. L'individu lui-même. La problématique, c'est que si vous vous écoutez parler avec une voix violente, vous allez en déduire que ça ne va pas chez vous, vous êtes violent. Et ça crée une mécanique synergétique qui fait en sorte que très souvent, en s'exprimant d'une façon croche, on devient ce qu'on fait. L'important, c'est évidemment de contrôler au minimum notre expression. Mais ça fait partie de mécanique, contrôler l'expression. Et le plus intéressant, c'est que ça s'apprend. La personne qui est toujours en train de dire « Ah, que ça va mal, et maudit. » Bon, mais si elle commence à parler différemment, elle va aussi changer des choses. Et c'est d'ailleurs l'idée du positivisme. Ça reste de voir tout en noir, voir ça en bien. Sauf que dans le positivisme, on a touché une petite partie de la mécanique, ce qui fait que souvent, ça crée des désillusions après 2-3 ans. Mais il y a moyen de comprendre la mécanique. Si ma nature, la façon dont je dois m'exprimer, moi je suis correct, mais les lois qui m'obligent à l'expression sont assujetties à ce qu'on appelle le mal. Bon, on s'entend par le mal, mais ça amène des choses qui ne m'intéressent pas, qu'on a vu ici, imbécilité, stupidité, puis bon, il y en a plein. Basé sur ceci, ça veut dire que normalement, je devrais, si ces deux lois-là sont vraies, ça veut dire que si c'est vrai, ça veut dire que la majorité de tout le travail que vous faites dans vos vies, c'est un travail pour aller chercher la misère, le malheur, la souffrance et vous autodétruire physiquement. Les gens m'ont dit, c'est pas vrai, moi je passe ma vie à tout faire pour être le mieux possible. Parfait. Es-tu heureux? Non. Il y a une autre chose qu'il faut qu'on remarque. Si elle n'est pas heureuse, la personne, ça veut dire que dans sa recherche du bien-être, elle fait ce qu'il faut pour être malheureuse. Il y a des gens qui disent, écoute, moi ça fait 6 mois que je vais arrêter de fumer, c'est pour être heureux, maudit. Puis il est tout nerveux, puis il est tout pogné parce qu'il arrête de fumer. Non, c'est correct qu'il veut arrêter de fumer. Et présentement, en voulant cesser de fumer, là, il est totalement défait, totalement stressé, totalement, etc. Donc, il va encore vers le malheur. Pour faire quelque chose de bon et de bien, quand je parle de bon, disons, pour la santé, et de bien, pour vous, ça demandera toujours beaucoup plus d'efforts que pour faire n'importe quelle cochonnerie. C'est la nature, il faut qu'on en remarque. Alors, ce n'est pas en allant à la messe ou en priant, etc. C'est correct d'aller à la messe, ça nous repose. Mais ça ne changera pas notre vie. On restera dépendant. Si l'humain comprend déjà au départ, observe sa vie, pour remarquer, par exemple, que ceux qui ont les cheveux roux aimeraient avoir noir, que ceux qui sont noirs aimeraient avoir roux, ceux qui sont frisés, et les défrisent, les repassent, ceux qui sont droits comme des broches, les frisent, les noirs aimeraient être blancs souvent, bon, les blancs peut-être pas être noirs, mais peut-être en Afrique, on ne sait pas. On a toujours des particularités physiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Les jeunes filles, les jeunes garçons sont tout en train de s'organiser, puis ils s'organisent pour être bien cute. Rendu à 50, 60 ans, on se dit, on aurait bien dû faire d'autres choses, peut-être. Hein? Tout ça, c'est pour aller chercher de la souffrance. Il y a un produit qui s'appelle Cléracil. Intéressant, c'est pour la bouton d'acné. Scientifiquement, on sait que ça augmente énormément les chances d'avoir un cancer de la peau. T'sais, tu vas lutter contre une affaire par une affaire qui va plus tard. Bon, prendre du soleil, génial, prendre du soleil. Mais même si on le sait que ça donne le cancer, ça va encore prendre du soleil. C'est normal, parce que ça détruit. Non, moi, je prends du soleil pour être avoir l'air plus en santé. Avoir l'air. Si tu veux qu'avoir l'air, écoute, il se fait exprès. Tu auras l'air en santé. Ça ne fait pas de cancer. Mais on le sait et ça n'empêche pas que. OK? Il faut comprendre l'idée. Alors, moi, je ne vous parle pas philosophie. On constate une mécanique. Vous voulez que votre bétail soit mieux? Vous voulez que votre santé soit mieux? Vous voulez que votre pensée soit mieux? Bien, il y a des façons d'arriver à ce que ce soit mieux. Et ces façons-là, on peut les contrôler. Au départ, il faut éliminer ces forces-là ici. Dernièrement, je me suis rendu compte qu'avec une personne, lorsque je communique avec elle, très souvent, elle ne tient pas compte de ce que je dis quand je parle. Alors moi, je lui dis, tu ne m'écoutes pas. Là, elle me répète tout ce que j'ai dit, donc elle m'écoutait. Je dis, non, tu m'entendais, mais tu ne m'écoutais pas. Bon, finalement, elle a fini le discours en disant, bon, d'accord, tu m'écoutes, mais tu ne tiens pas compte de ce que je dis. De une chose l'autre, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, ou tu te fous de moi. Mais là, je me suis rendu compte dernièrement en parlant avec un paquet d'autres personnes, la fois que présentement, 100% des gens avec qui je communique ne tiennent pas compte de 25% de ce que je dis. Ils n'écoutent pas ce que je dis, ils écoutent ce qu'ils vont dire. Mais là, ça fait partie des forces du mal. Parce que là, je me suis rendu compte aussi que si ça va mal dans nos relations quand on communique, à un moment donné, tu vas cesser de me répéter que. Là, tu dis, oh, mais là, je t'ai pas dit ça. Non, mais c'est parce que moi, j'étais en train de travailler, là, puis je décide ce qu'il dit, mais je l'écoute pas. Là, ils vont me dire, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais laid, mais aujourd'hui, tu es beau. C'est ça, dis donc, je suis laid. Là, aujourd'hui, tu es beau, ça, il n'en tient pas compte. Non, je viens de dire que tu étais beau, c'est pas vrai. Là, on s'obstine. Les relations de couple, les relations parents-enfants, etc. Garantie que si on va juste on enregistre, ça va bien, ça va plus mal, ça va mal, il s'engueule en maudit, ça allait bien. Il n'y a pas de maudite raison pour qu'il en arrive là, pas des êtres intelligents. Sauf évidemment s'ils sont dans une mécanique qui les entraves, puis qui les amène carrément structurés avec une procédure qu'on peut retrouver partout. Donc, s'il y a une procédure qu'on retrouve partout, c'est pas aléatoire. C'est une mécanique. C'est décelable, c'est contrôlable, puis c'est contournable. C'est un exemple ici. Force du mal. Et il y en aura, il y en aura, il y en aura. Pour que l'humain puisse comprendre les bases même de ce que l'humain appelle les forces du mal, si on regarde, par exemple, comment ça se fait que quand j'appelle Satan, tu viens noir, tu viens, etc. Ce que j'ai constaté, c'est que les journées où je fais le mieux, où je suis psycho-émotivement vraiment correct, ces journées-là, ça se passe bien. Ça va bien. Il m'arrivait, quand j'étais jeune, d'acheter des minounes, des vieilles automobiles. J'avais des offres à l'époque de l'Université de Montréal, ils voulaient me les acheter pour les études sur le cancer. Alors, j'avais des vieilles autos toutes rouillées. Et puis, quand je les achetais, j'allais au garage, ça prenait, les moteurs brûlaient beaucoup d'huile, c'est des vieilles amanchures. Alors, j'allais au garage, puis je disais toujours au garagiste, voulez-vous, mettez de l'huile, mais vérifiez l'essence. Et puis, à un moment donné, lentement, le moteur prenait de moins en moins d'huile. Et puis, à un moment donné, ben, il prenait presque plus d'huile. Et finalement, il prenait plus d'huile. Il s'est passé quoi? Là, le mécanicien m'a expliqué que ça se peut des fois qu'il y a des petites poussières, ça encrasse, puis ça finit par boucher, puis là, ça se peut. Mais les explications scientifiques, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on aura une nouveauté, on sera capable d'inventer une description qui pourra coller comme le dieu volcan. Aujourd'hui, on fera autre chose. Mais la science, comme la religion, décrit les mécaniques, mais finalement ne les comprend jamais. Elle décrit. Elle décrit ce qu'elle voit, et ce qu'elle voit, elle le dit possible. Elle ne décrit pas ce qu'elle ne voit pas, et ce qu'elle ne voit pas, elle le dit impossible. Puis quand ça arrive, on va décrire en fonction des vieux schémas, donc, que ce soit scientifique, ou que ce soit théologique, ou que ce soit ésotérique. Dernièrement, j'ai coupé tout le gazon sur mon terrain avec une tondeuse à essence qui n'a plus d'essence. Puis j'avais un aller à faire ou deux, j'avais sorti mon galon, etc., c'était correct. Je commence à couper, puis je me suis dit, tu sais, je vais faire un petit peu que je peux, puis bon. Ça me prend la moitié du réservoir à faire la cour, puis là, c'était, on voyait un petit peu de mouillé dans le fond quand j'avais vérifié. Et puis après la moitié du terrain, ben là, je me suis dit, ça va bien. Et là, il fallait que je me parle pour me dire, cesse d'y penser, coupe ton gazon. Et je me disais, oui, mais j'aimerais ça, ouvrir, voir, il y en a-tu plus? Là, ça me disait, ouvre pas, tu ne pourras pas le supporter, donc on va arrêter. Et finalement, elle a coupé au complet. Puis là, j'étais lacéré sans regarder. Mais c'est économique. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'explication scientifique va être que j'ai mal vu. Va être que... Il y en avait plus que tu pensais. Ah, ouais. On peut expliquer. Mais moi, j'ai d'autres explications. Pas mal plus efficaces, qui expliquent en plus le reste au complet. Mais une chose de certaine, c'est que ça fait partie... Les forces du mal, c'est quoi? C'est de cesser d'attribuer de l'émotion, d'attribuer de l'intentionnalité à des mécaniques, comme par exemple tes dents caries, ça c'est parce qu'il y a une entité, il y a un dieu du mal qui fait que... Oui, c'est vrai, il s'appelle sucre. C'est pas intentionnel. Non, mais il n'y a pas d'intention, mais il y a une mécanique par exemple. Oui, mais comment ça se fait qu'elle en prend plein de sucre, ça carie pas ses dents? Ça dépend des personnes, ça dépend des homochromes, ça dépend des petits mondes particuliers de chacun. Alors, l'être humain peut parvenir à contrôler les forces du mal en étant mieux. Si au départ, il commence à observer qu'effectivement, là, il est assujetti à deux mécaniques, qui ne sont pas des mécaniques qui amènent l'homme naturellement, tout seul, vers le bien-être. Mais l'humain peut y aller vers le bien-être. C'est pour ça qu'il faut qu'il se prenne en main. Il faut qu'il se prenne en main en connaissant les mécaniques. Sinon, moi, je contrôle mon automobile. La paye sa pédale. Oui, mais t'as pas démarré le moteur. Il y a des procédures pour se prendre en main. Comment? Avant d'aller prendre la pause, j'ai quelques informations à vous donner. Premièrement, ton séminaire, la semaine prochaine, le 27 et 28 août, le séminaire de Daniel Kemp. Si vous voulez, c'est pour vous inscrire ce soir, parce qu'il reste seulement 7 jours avant le séminaire. Donc, c'est la fin de semaine prochaine. Ensuite, le cours Introduction à la cosmogonie de la réalité, tous les mardis soirs à 19h30. Puis le premier a lieu mardi, le 23 août. Exceptionnellement, pour accommoder ceux qui pratiquent l'Ardenne, il y en a un le mercredi 24 août.